Je me suis accroché à toi pour vivre, et pour toi je suis resté à la dérive, sur des eaux stagnantes où dorment les amants noyés. Tu fis battre un cœur heureux, jamais je n'ai failli dans mon effort de t'offrir l'éternité, toi fuyante du présent. Tu m'avais déjà prévenu que jument de feu, tu me blesserais. Aujourd'hui mon sang est cette encre que je répands sur les sables que nous aimions tant. Je te dirai aussi que tout fut un stratagème de condisciples que je n'ai jamais compris. On nous éleva dans un égoïsme gangréné des faux pas que seul l'amour rachète. L'amour rachète.